Gwynplaine ne comprit pas. Alors le shérif tira une feuille de parchemin tachée, jaunie, verdie, rongée et cassée par places. Et de sa voix la plus solennelle, il lut ceci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 29e de janvier 1690 de notre Seigneur, a été méchamment abandonné sur la côte déserte de Portland, dans l'intention de l'y laisser périr de faim, de froid et de solitude, un enfant âgé de 10 ans. Cet enfant a été vendu à l'âge de 2 ans par ordre de sa très gracieuse majesté, le roi Jacques IIe. Lord Fermain Clancharlie, âgé de 2 ans, a été acheté par moi, sous-signé, qui écrit ces lignes, et mutilé et défiguré par un flamand de Flandre, nommé Art Quanon. L'enfant était destiné par nous à être un masque de rire. Il ignore qu'il est Lord Clancharlie. Il répond au nom de Gwynplaine. Le shérif continua. Au bas de la feuille est écrit, en mer, à bord de la Matutina, ourque de Biscaye.